je gère pas du tout ça. Sympa ça. Après on fait un break. Après ça fait ça. c'est raté. On commence. Le mec qui a écouté un peu du AC/DC quand c'était gosse. J'adore.